lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Un soir on est mariés, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de d'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.